Chicken News. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Hello, hello, moi, Vendée, bonjour.

L'heure vous est offerte par Speedy Print. Speedy Print, impression sur tout support en temps record. Speedy Print, votre imprimerie numérique express à Jarry. www.speedyprint.fr. L'heure vous est offerte par Joannel Immobilier. Achat, conseil, vente, location. Joannel Immobilier, 06 90 357 321.